Dites donc, c'est vous qui avez sauvé mon fils de la noyade? Oui, c'est moi, voyons pas. J'ai fait que mon doigt. Ah, c'est vous? Ben, il se promenait sur les bords de la Seine, sur la rambarde, et puis il a glissé, il est tombé à l'eau. Alors, j'ai fait ni deux, j'ai plongé, et puis c'est tout. Ah, c'est vous qui avez sauvé mon fils de la noyade? Ouais, c'est moi. Il y avait les tourbillons, j'ai attrapé par les cheveux, je l'ai ramené. J'ai nagé d'un bras gauche, puis je l'ai ramené sur la rive. On a fait la respiration, puis il est sauvé. Ah, c'est vous? Ben oui, c'est moi. Et son béret, qu'est-ce que vous amène?